Sur trois marches de marbre rose, d'Alfred de Musset. Depuis qu'Adam, ce cruel homme, a perdu son fameux jardin, où sa femme autour d'une pomme gambadait sans vertu gadin, je ne crois pas que sur la terre il soit un lieu d'arbres plantés, plus célébré, plus visité, mieux fait, plus joli, mieux hanté, mieux exercé dans l'art de plaire, plus examiné, plus vanté, plus décrit, plus lu, plus chanté, que l'ennuyeux parc de Versailles. Ô Dieu, ô berger, ô rocaille, vieux satyre, terme grognon, vieux petit zif en rang d'oignon, ô bassin quinconce charmille, boulin grain plein de majesté, où les dimanches tout l'été bâillent tant d'honnêtes familles, fantômes d'empereurs romains, pâles nymphes inanimées, qui tendaient aux passants les mains par des jets d'eau toutes enrhumées, tourniquets d'aimables buissons, bosquets tondus où les fauvettes cherchent en pleurant leurs chansons, où les dieux font tant de façons pour vivre à sec dans leurs cuvettes. Ô marronnier, n'ayez pas peur que votre feuillage immobile, me sachant versificateur, n'en demeure pas moins tranquille. Non, j'en jure par Apollon, par tout le sacré vallon, par vous, naïade ébréchée, sur trois cailloux si mal couchés, par vous, vieux maître de ballet, faune dansant sur la verdure, par toi-même, auguste palais, qu'on n'habite plus qu'en peinture, par Neptune, sa fourche au poing, non, je ne vous décrirai point. Je sais trop ce qui vous chagrine de Phoebus, je vois les effets, ce sont les vers qu'on vous a faits, qui vous donnent si triste mine, tant de sonnets, de madrigaux, tant de ballades, de rondeaux, où l'on célébrait vos merveilles, vous ont assourdi les oreilles. Et l'on voit bien que vous dormez pour avoir été trop rimé. En ces lieux où l'ennui repose, par respect aussi j'ai dormi. Ce n'était, je crois, qu'à demi. Je rêvais à quelque autre chose. Mais vous souvient-il, mon ami, de ces marches de marbre rose, en allant à la pièce d'eau du côté de l'orangerie, à gauche en sortant du château? C'était par là, je le parie, que venait le roi sans pareil, le soir au coucher du soleil, voir dans la forêt en silence le jour s'enfuir et se cacher, si toutefois en sa présence le soleil osait se coucher. Que ces trois marches sont jolies! Combien ce marbre est noble et doux! Maudit soit du ciel, disions-nous, le pied qui les aura salis. N'est-il pas vrai? Souvenez-vous, avec quel charme est nuancée cette dalle à moitié cassée. Voyez-vous ces veines d'azur, légères, fines et polies, courant sous les roses pâlies, dans la blancheur d'un marbre pur? Tel dans le sein robuste et dur de la Diane chasseresse devait courir un sang divin, telle est plus froide est une main qui me menait naguère en laisse. N'allez pas, du reste, oublier que ces marches dont j'ai mémoire ne sont pas dans cet escalier, toujours désert et plein de gloire, où ce roi qui n'attendait pas attendit un jour pas à pas, condé, lassé par la victoire. Elles sont près d'un vase blanc, proprement fait et fort galant. Est-il moderne, est-il antique? D'autres que moi savent cela. Mais j'aime assez à le voir là, étant sûr qu'il n'est point gothique. C'est un bon vase, un bon voisin, je le crois volontiers cousin, de mes marches couleur de rose. Il les abrite avec fierté. Ô mon Dieu, dans si peu de choses, que de grâce et que de beauté! Dites-nous, marches gracieuses, les rois, les princes, les prélats, et les marquis à grand fracas, et les belles ambitieuses, dont vous avez compté les pas, celles-là surtout, j'imagine, en vous touchant ne pesez pas. lorsque le velours ou l'hermine frôlaient vos contours délicats, laquelle était la plus légère? Était-ce la reine Montespan? Est-ce Hortense avec un roman? Maintenon avec son bréviaire? Ou Fontange avec son ruban? Beau marbre as-tu vu la Vallière? De Parabère ou de Sabran? Laquelle savait mieux te plaire? Entre Sabran et Parabère, le régent même, après souper, chavirait jusqu'à s'y tromper. As-tu vu le puissant Voltaire, ce grand frondeur des préjugés, avocat des gens mal jugés? Du Christ ce terrible adversaire, bedeau du temple de Cythère, présentant à la Pompadour sa vieille eau bénite de cour. As-tu vu comme à l'Ermitage la rondelette du Barry courir en buvant du laitage, pieds nus sur le gazon fleuri? Marche qui savait notre histoire, ô jour pompeux de votre gloire! Quel heureux monde en ces bosquets! Que de grands seigneurs, de laquais, que de duchesses, de caillettes, de talons rouges, de paillettes, que de soupirs et de caquets! Que de plumets et de calottes, de falbalas et de culottes, que de poudre sous ses berceaux, que de gens sans compter les sots! Règne auguste de la perruque, le bourgeois qui te méconnaît mérite sur sa plate nuque d'avoir un éternel bonnet. Et toi, siècle à l'humeur badine, siècle tout couvert d'amidon, ceux qui méprisent ta farine sont en horreur à Cupidon. Est-ce ton avis, marbre rose? Malgré moi, pourtant, je suppose que le hasard qui t'a mis là ne t'avait pas fait pour cela. Au pays où le soleil brille, près d'un temple grec ou latin, les beaux pieds d'une jeune fille, sentant la bruyère et le thym, en te frappant de leurs sandales, auraient mieux réjoui tes dalles qu'une pantoufle de satin. Est-ce d'ailleurs pour cet usage que la nature avait formé ton bloc jadis vierge et sauvage, que le génie eût animé? Lorsque la pioche et la truelle t'ont scellé dans ce parc boueux, en t'y plantant malgré les dieux, mansard insultait Praxitèle. Oui, si tes flancs devaient s'ouvrir, il fallait t'en faire sortir quelque divinité nouvelle. Quand sur toi leur scie a grincé, les tailleurs de pierre ont blessé quelque Vénus dormant encore, et la pourpre qui te colore te vient du sang qu'elle a versé. Est-il donc vrai que toute chose puisse être ainsi foulée aux pieds? Le rocher où l'aigle se pose, comme la feuille de la rose qui tombe et meurt dans nos sentiers. Est-ce que la commune mère, une fois son œuvre accomplie, au hasard livre la matière, comme la pensée à l'oubli? Est-ce que la tourmente amère jette la perle au lapidaire, pour qu'il l'écrase sans façon? Est-ce que l'absurde vulgaire peut tout déshonorer sur terre au gré d'un cuistre ou d'un maçon? Février 1849.